C'était il y a 9 ans. 9 ans seulement. Depuis l'horreur des camps nazis, on n'avait jamais vu cela sur la terre de la vieille Europe. Un véritable génocide. C'est le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui s'est exprimé ainsi en parlant du massacre de Srebrenica. Rappelons que 7500 Bosniaques qui ont trouvé la mort, je parle de ceux dont les corps ont été retrouvés, et que des milliers d'autres sont toujours portés disparus. Rappelons aussi que la force internationale onusienne chargée de protéger ces Bosniaques était alors commandée par un général français, ce qui pose forcément la question de la responsabilité de notre pays dans cette terrible affaire. Enfin, vous n'avez certainement pas oublié cette image spectaculaire, celle d'un autre général français, Philippe Morillon, monté sur un blindé et promettant solennellement à la population de Srebrenica, assiégée par les troupes bosno-serbes, qu'elle ne serait jamais abandonnée. 2 ans plus tard, c'était le massacre et la mise en œuvre à grande échelle de la sinistre purification ethnique. Si je demandais à M. X de revenir sur cette tragédie, c'est qu'elle comporte encore de nombreuses zones d'ombre et que les exécuteurs et leurs commanditaires courent toujours et qu'elle figure au centre de l'acte d'accusation de l'ex-président Slobodan Milosevic devant le TPI, le Tribunal Pénal International de La Haye. Un tribunal qui a d'ailleurs entendu il y a peu de temps le général Morillon. Alors, qui sont les vrais responsables des massacres de Srebrenica et pourquoi a-t-on laissé faire? Ce sont quelques-unes des questions que j'ai posées à M. X. Il est impossible de comprendre ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie sans faire un retour en arrière. Bon, mais d'abord, faisons justice d'une idée fausse. Vous savez qu'on a parlé de guerre ethnique. Même de purification ethnique. Ouais, hein. Ça n'a aucun sens. Car si l'on met à part le Kosovo, qui est peuplé en majorité d'Albanais, toutes les autres républiques yougoslaves étaient habitées par des Slaves, qui parlaient une seule et même langue, le serbo-croate, à quelques variations près. Croates, bosniaques, serbes ou slovènes appartiennent donc à la même ethnie. Alors, d'où vient qu'on a parlé de guerre ethnique? C'est que ça en a arrangé certains. Enfin, surtout les nationalistes serbes qui ont toujours affiché un sentiment de supériorité. Non, les vraies différences tenaient à l'histoire et à la religion. Les Serbes, par exemple, sont généralement orthodoxes et les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans. Oui, ça c'est un héritage de l'occupation turque. Oui, et c'est l'une des explications de la haine que leur vouent les nationalistes serbes qui les accusent d'avoir trahi en épousant la religion de l'envahisseur. Enfin, il faut ajouter que ces rivalités ont été exacerbées par la Seconde Guerre mondiale. Les uns ayant plutôt choisi le camp hitlérien et les autres celui des Alliés. Les Serbes. Effectivement. Encore une fois, il ne faut pas généraliser. Car si les Oustachis croates alliés d'Hitler ont fait preuve d'une épouvantable sauvagerie, c'est aussi un croate, Tito, qui travaillera à l'unification des mouvements de résistance. Et c'est sous son autorité que se constituera la Yougoslavie moderne, une fédération de républiques qui vivra en paix pendant près d'un demi-siècle. Une fédération socialiste. Oui, c'est l'idéologie qui est facteur d'unité. Et Tito lui-même, bien sûr. Ce n'est pas allé sans difficulté, mais enfin, grosso modo, le régime yougoslave a respecté les aspirations nationales de chacune des républiques et accordé une large autonomie au Kosovo. Toutefois, il existait de fortes disparités économiques, le nord de la fédération étant plus riche et plus développé que le sud. J'ajoute, et c'est très important, que la répartition nationale méconnaissait bien souvent les frontières des républiques. Mmh. Que voulez-vous dire là? Eh bien, prenons le cas de la Bosnie-Herzégovine, puisque nous allons en parler longuement. Si une grande partie de la population était considérée comme musulmane, même si beaucoup de citoyens ne pratiquaient plus leur religion, il existait aussi une forte minorité serbe. Et on y trouvait aussi des Croates en plus petit nombre. Il en allait de même entre les autres républiques de la fédération. Il faut souligner que ça se passait plutôt bien. À Sarajevo, par exemple, avant la guerre, tous ces gens vivaient en bonne intelligence. Mmh, ouais. Mais la mort de Tito va tout remettre en cause. Oui, c'est exact. Au début des années 80, la Yougoslavie traverse alors une grave crise économique. D'autre part, ça bouge au Kosovo. C'est-à-dire? Les Kosovars, qui sont, je le rappelle, en majorité d'origine albanaise, réclament pour leur territoire le statut de république. Mais à l'intérieur de la fédération yougoslave. Oui, oui, ouais, parce que jusqu'alors, le Kosovo n'est qu'une région autonome adossée à la Serbie. Cette revendication, c'est l'allumette qui va mettre le feu aux poules. Pourquoi alors? Parce qu'elle va permettre à Slobodan Milosevic, l'homme fort de Belgrade, président de la Ligue des communistes... Le parti au pouvoir. Là, oui, le parti créé par le maréchal Tito. Donc ça va permettre à Milosevic de réveiller le nationalisme serbe et d'en jouer pour masquer ses propres difficultés et asseoir son pouvoir. Alors, quoi, c'est une récupération cynique, c'est ça? Certainement. Mais attendez, Vous parlez de réveil du nationalisme serbe. C'est donc qu'il n'avait jamais vraiment disparu. Je le pense. Il existait dans certains milieux ce sentiment de supériorité dont je vous ai déjà parlé. Pour ces gens-là, les musulmans bosniaques n'étaient que des Turcs. Des Turcs? Oui. Et je vous laisse deviner le mépris qui se cachait sous cette appellation. Quant aux Croates, ils portaient toujours la tache infamante des sanguinaires Oustachis. En fait, ces nationalistes étaient des nostalgiques de la Grande Serbie. Ils étaient persuadés que la division de la Yougoslavie en plusieurs républiques s'était faite au détriment des Serbes. Et ce qui était particulièrement grave, c'est que cette revendication nationaliste était soutenue par nombre d'intellectuels. Le Kosovo. Sous prétexte que les Serbes du Kosovo seraient opprimés par les Kosovars d'origine albanaise, Milosevic vient à leur secours. Il supprime l'autonomie de la région et réprime brutalement les manifestations des Kosovars. Enfin bref, il est dès lors très clair que Milosevic veut renforcer la centralisation dans toute la fédération. Au profit des Serbes. Naturellement. Mmh. Le résultat, c'est que cette politique crée de nombreuses oppositions dans les républiques où l'on s'interroge sur l'avenir du système fédéral. Et bientôt, ça va craquer de partout. La Slovénie et la Croatie vont être les deux premières républiques à rompre avec la fédération yougoslave. Oui, c'est la guerre qui commence. Oui, je résume, parce que c'est très compliqué. L'armée fédérale, qui est essentiellement devenue une armée serbe, intervient d'abord en Slovénie, mais elle est défaite. Ensuite, elle attaque la Croatie, participe au combat des milices serbes, les fameux Tchetniks. On retrouvera un peu partout dans les opérations armées qui feront généralement preuve d'une grande férocité. Attendez, est-ce que la férocité ne sera pas partagée, si je puis dire? Oui, vous avez raison. Les exactions répondront aux exactions, c'est sûr. Et les Croates en particulier se rendront coupables de nombreux crimes de guerre. Mais il faut quand même pas oublier que ce sont d'abord les Serbes qui sont les agresseurs. En Slovénie, brièvement, puis en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Alors, pour vous, le coupable, c'est Milosevic, pas? Sans aucun doute. En Croatie, vous vous en souvenez sans doute, les combats sont d'une extrême violence. Oui, le siège de Vukovar. Hein. La ville tombe après 3 mois de siège. Il faudra aussi parler des dommages considérables commis à Dubrovnik, l'ancienne Raguse. Ces combats font des centaines et des centaines de morts. La communauté européenne essaie d'intervenir et l'ONU finira par envoyer au début de 1992 une force d'interposition, la Fort Progné. Des casques bleus. Oui, au nombre de 14 000. Et parmi eux, un grand nombre de Français. Alors, en Bosnie, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, le gouvernement bosniaque n'entendait pas rompre avec la fédération yougoslave. Mais la montée en puissance des nationalismes ne pouvait qu'aboutir à l'éclatement. Et fin 1991, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance. Une indépendance confirmée par un référendum auquel les Serbes bosniaques refusent de participer. Un référendum qui a été organisé à la demande des Européens, qui d'ailleurs ne tarderont pas à reconnaître l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Oui, mais l'opposition de, comment on les appelle, les bosno-serbes, c'est ça, hein? Parce que ceux-là sont minoritaires. Et qu'ils entendent créer une république serbe de Bosnie. Oui, la guerre est donc inévitable. Oui, parce que pour les Serbes de Bosnie, ce référendum, c'est un casus belli. Milosevic et les dirigeants nationalistes serbes considèrent en effet que partout où il y a un cimetière serbe, la terre est serbe. Et dès le début du mois d'avril 1992, le siège de Sarajevo commence. Oui, un siège qui durera plus de 3 ans, je crois. Oui, en même temps, l'armée et les milices serbes attaquent un peu partout. À tel point que 3 mois après les débuts des hostilités, ils contrôleront près des 2/3 de la Bosnie. Comment expliquer là ces rapides succès? Les Serbes ont hérité du formidable arsenal de l'armée fédérale. Vous voulez dire que les forces sont disproportionnées? Dans une large mesure, oui. Et l'embargo sur les armes n'arrangera rien. Car si les Serbes disposent d'un matériel pratiquement inépuisable, les Bosniaques, eux, auront beaucoup de mal à se ravitailler malgré l'appui discret des États-Unis. Mais attends, quand vous parlez des Serbes, de quels Serbes s'agit-il? Des Serbes de Bosnie ou des Serbes de Serbie, enfin des Serbes de Belgrade? Écoutez, j'avoue que j'ai du mal à faire la différence. Quoi qu'il en ait dit, il est évident que c'est Slobodan Milosevic qui tire les ficelles. Et Karadzic, le président de la République serbe de Bosnie, et le général Miladic, opèrent de conserve avec le maître de Belgrade. C'est par exemple l'armée fédérale serbe qui approvisionnera en matériel les bosno-serbes. Et puis, il y a ces milices qui sont directement inspirées par Belgrade au nom du nationalisme grand serbe. Ouais. La frontière entre la Serbie et la République serbe de Bosnie est donc très poreuse. Incontestablement. Mais est-ce qu'à terme, cette frontière ne devait pas être supprimée? Pour unifier la République serbe de Bosnie et ce qui restait de la Yougoslavie, vous voulez dire? Oui. Bien oui, je le crois, oui. Au fond, cette entité serbe bosniaque était une sorte de fiction. J'ajoute que dans ce jeu très compliqué et féroce, un troisième larron va jouer sa propre partition. Qui? Le président croate Tudjman. Après avoir guerroyé contre les Serbes, il se retourne contre les Bosniaques. Et en fait, je suis sûr qu'il existait un accord secret entre Tudjman et Milosevic. Un accord quoi, pour attaquer ensemble la Bosnie? Oui, surtout pour s'approprier l'un et l'autre toute ou partie de cette république. Il semble bien que la sécession serbe en Bosnie et la campagne militaire qui a suivi a été longuement préméditée, si j'en crois un témoignage d'un spécialiste des Balkans, James Gao, devant le tribunal pénal international. Je le cite. De concert avec les dirigeants politiques serbes et les unités régulières, l'armée régulière serbe a conçu, planifié, préparé et exécuté une campagne armée en Bosnie, comportant l'utilisation systématique de la terreur pour établir les frontières d'une nouvelle Yougoslavie. Autre témoignage, celui de la journaliste du Monde, Florence Hartmann. Elle écrit ceci en novembre 1995. La politique de terreur qui fut menée en Bosnie dès les premiers jours d'avril 1992 n'a rien de spontané. Les informations recueillies depuis par les observateurs internationaux démontrent que le dispositif militaire d'encerclement était déjà en place, que les listes de non-serbes dans les territoires convoités avaient été dressées depuis plusieurs mois avant les hostilités. Le nettoyage ethnique s'effectuait selon une méthode planifiée qui se répétait de ville en village. L'armée fédérale de Belgrade bombardait la région ou la ville convoitée, laissait entrer les milices pour semer la terreur, puis prenait le contrôle des lieux avant d'achever le tri ethnique. La majorité des femmes, enfants et vieillards étaient déportés jusqu'à la ligne du front. Les élites intellectuelles et les leaders politiques étaient immédiatement liquidés ou incarcérés. Nombre d'entre eux seront exécutés lors de leur détention. On a une première idée réelle des intentions des Serbes au mois d'avril 1992. Et déjà, dans la région de Srebrenica, là, les miliciens commencent à procéder à ce qu'on appellera plus tard la purification ethnique. C'est-à-dire, avant d'aller plus loin, là, où se trouve Srebrenica? Srebrenica, qui est une petite ville de 8000 habitants, est située en Bosnie orientale, près de la rivière Drina, qui est la frontière naturelle entre la Bosnie et la Serbie. Étant à Pal, la capitale de la République serbe de Bosnie, à Belgrade, on considère que la ville et sa région appartiennent de facto à l'entité serbe. C'est donc une sorte d'enclave, hein, en territoire bosno-serbe. C'est ça, oui. Une enclave, on le sait, c'est toujours difficile à défendre. Alors, cette purification ethnique qui porte mal son nom, si je vous ai bien écouté. Bon, c'est très simple, si j'ose m'exprimer ainsi. Les miliciens chassent sans ménagement les habitants qui ne sont pas serbes. Et quand je dis sans ménagement, vous voyez ce que je veux dire. Des bosniaques musulmans sont tués et leurs maisons sont incendiées ou dynamitées. Je vous donnerai un seul chiffre, mais il est suffisamment éloquent. Il ne restera sur place qu'un peu plus de 350 habitants. Sur 8000? Oui. Mais un mois plus tard, les bosniaques prennent leur revanche et chassent les serbes. La conséquence, c'est que les habitants musulmans de la région, terrorisés, viennent trouver refuge dans la ville reconquise. Et Srebrenica va bientôt compter 40 000 habitants. Et les Serbes, là, comment réagissent-ils? Ils assiègent la ville et ses environs immédiats. Et assez vite, la situation des habitants deviendra intenable, car les convois humanitaires ne pourront franchir les lignes serbes que 8 mois après le début du siège. Il faut aussi dire que des combats se poursuivent un peu partout sur le territoire de la République et que la purification ethnique, continuant de l'appeler ainsi, se traduit par la création de camps d'internement où les détenus sont affamés et maltraités. J'ai pas oublié les photographies de ces hommes squelettiques, des images au fond qu'on n'avait pas revues depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais je vous trouve quand même un peu partial, là. Vous mettez tout sur le dos des Serbes. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Bosniaques, quand ils pourront se venger, se conduiront eux aussi avec sauvagerie. Mais cela n'exonère en rien la responsabilité première qui est celle des Serbes, et donc de Slobodan Milosevic lui-même. Ouais. Les casques sont d'abord intervenus, hein, si je vous ai bien entendu, pour s'interposer entre Croates et Serbes, alors en Bosnie. La communauté internationale ne peut pas ignorer ce qui se passe là-bas. Et la FORPRONU va être amenée à réagir. Mais auparavant, le Conseil de sécurité de l'ONU, sans doute troublé par les photos de ses prisonniers des camps d'internement, a décidé la création d'un tribunal pénal international pour les exactions commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Et c'est une première depuis Nuremberg, hein, et les procès des dirigeants nazis. Oui. En même temps, un plan de paix est proposé, prévoyant la démilitarisation de Sarajevo et le découpage de la Bosnie en 10 provinces. Il est repoussé à la fois par les Bosniaques, musulmans et serbes, Et pendant ce temps-là, la guerre continue, toujours aussi atroce. Après avoir subi quelques revers au début 93, les Serbes du général Mladic accentuent leur pression sur Srebrenica, où se trouvent maintenant près de 60 000 réfugiés. Ah oui, c'est là que va intervenir le général Morillon. Exactement. Mmh. Philippe Morillon est alors le commandant de la forte ONU en Bosnie-Herzégovine. Devant le danger qui menace l'enclave de Srebrenica, il se rend dans la ville. Les habitants qui s'attendent au pire le prennent d'abord en otage, lui et ses casques bleus. Ouais. Des boucliers humains. En quelque sorte, oui, mais le général français parvient à retourner la population et c'est cette fameuse scène... Oui, son discours à la foule alors qu'il est juché sur un blindé. Oui, oui, personne n'a oublié. Morillon déchaîne l'enthousiasme de ces bosniaques musulmans quand il leur promet qu'il ne les abandonnera jamais et qu'ils se trouvent désormais sous la protection de l'ONU. Mais en même temps, il déclare que Srebrenica sera une zone démilitarisée et il demande aux combattants de rendre leurs armes. Mmh. Est-ce que les Bosniaques acceptent? Ils ont confiance, sont persuadés que l'ONU saura les protéger. Mais ça veut dire là, que le général Morillon s'engage personnellement. Effectivement, oui. Mais connaît-il vraiment les dangers que courent tous ces gens? Absolument. Il y a déjà eu le précédent de la première prise de Srebrenica en 1992. Ouais, la purification a été... Oui. En outre, Morillon sait parfaitement où Mladic veut en venir. Enfin, je n'invente rien. Le général français a lui-même déclaré devant le tribunal pénal international de La Haye qu'il avait personnellement prévenu le président Milosevic que des massacres se produiraient à Srebrenica si les troupes de Mladic s'emparaient de la ville. Alors, dans ce cas, on peut s'interroger sur le bien fondé de sa décision de désarmer les musulmans. Je suis d'accord. Mmh. Et d'autre part, en promettant la sécurité à tous ces réfugiés, Morillon était-il assuré que l'ONU serait capable de les protéger? Pensez qu'il a péché par imprudence, quoi. Non, c'est pas à moi de juger Morillon. Enfin, vous avez raison, on peut s'interroger. Mais si vous voulez bien, voyons la suite. Ouais. Bon, un mois après le spectaculaire discours de Morillon, l'ONU conforte sa position en décrétant que Srebrenica est désormais une zone de sécurité. Qu'est-ce que ça signifie, ça, une zone de sécurité? Srebrenica et ses environs sont considérés comme une zone démilitarisée et un cessez-le-feu est signé. Les Bosniaques musulmans, comme ils s'y sont engagés, désarment et un contingent de casques bleus canadiens entre dans la ville. Mais il faut bien insister sur ce point, la résolution de l'ONU ne prévoit aucun moyen de coercition contre les troupes de Mladic au cas où celui-ci ne respecterait pas la zone de sécurité de Srebrenica. Or, Mladic n'a aucune intention de desserrer la pression qu'il exerce sur la ville. Alors, c'est une sorte de marché de dupes. Assurément, on demande simplement aux musulmans d'avoir une confiance aveugle dans l'ONU. Mais sans garantie. D'autant qu'ils ont accepté d'être désarmés. À l'instar de Srebrenica, l'ONU crée plusieurs autres zones de sécurité. Et la plupart du temps, à l'exception de Sarajevo, ce sont des enclaves où vont être envoyés des casques bleus. À Srebrenica, après les Canadiens, ce sont les Hollandais qui assureront le respect du cessez-le-feu. Mmh, combien? 350 hommes, je crois. C'est pas beaucoup, non? Bien sûr. Ce contingent sera incapable de protéger la ville si Mladic décide de passer à l'action. Pourtant, dans deux autres zones de sécurité, Gradze et Bihać, qui subissent l'assaut des troupes serbes, l'ONU fait la preuve que ces enclaves peuvent être efficacement défendues. Comment? Grâce à des bombardements aériens sur les troupes serbes. Des bombardements effectués par l'aviation de l'OTAN. Cela suffit à stopper l'avancée des Serbes. Mais, naturellement, ces zones de sécurité continuent à être assiégées. Oui, c'est-à-dire que Mladic ne renonce pas. Non, il ne s'en cache pas. Il l'a même dit au général britannique qui a succédé à Philippe Morillon. Son intention est de s'emparer de toutes ces zones de sécurité qui sont autant d'enclaves musulmanes en territoire serbe. Et tout au long de l'année 94, on assistera à de nombreuses tentatives d'intrusion. À Srebrenica et aussi dans les autres zones de sécurité. Il veut donc défier l'ONU. Parfaitement. Mmh. Et souvenez-vous de ce qui se passe à Sarajevo. Les Serbes continuent à bombarder la ville et ne manquent jamais une occasion d'humilier les casques bleus. En contrôlant les routes, en bloquant le passage de leurs convois, par exemple. Dès lors, on peut s'attendre à ce que l'année 1995 soit particulièrement sanglante. Revenons un tout petit peu en arrière. En 1993, un Français, le général Cotte, est nommé à la tête de la Force Pronu. C'est un homme impoigne qui entend que l'ONU soit enfin respectée dans l'ex-Yougoslavie. Voici ce que je lis dans l'ouvrage d'Hubert Coudurier, Le Monde selon Chirac, paru en 1998 chez Calman Lévy. Pour la première fois, un militaire issu d'un des pays membres du Conseil de sécurité prend les choses en main. Son objectif, bousculer l'ONU qui maintient les soldats de la paix dans la position de spectateurs impuissants, tandis que les Serbes multiplient les provocations. Il fallait arrêter d'être dans cette inhibition onusienne du maintien de la paix qui, de surcroît, n'avait jamais été établie, explique Cotte, qui se souvient avoir vu un général étranger éclater en larmes devant lui parce que son gouvernement lui interdisait d'obéir aux ordres du français. Faisant fi de l'attitude habituelle des Nations Unies, neutralité, consensus et pas de recours à la force, le général français, au langage cru et aux méthodes directes, indispose rapidement le secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali, déjà agacé par les foucades du général Morillon, dont la presse bosniaque a fait un héros. L'écho médiatique qui a reçu l'intervention de ce dernier dans la poche de Srebrenica a également déplu à ses supérieurs hiérarchiques, en particulier François Léotard, qui le juge incontrôlable. Philippe Morillon, jugé pro-bosniaque, sera remplacé par le général belge Bricmont. Mais ce premier sursaut fait honneur à l'armée française, dont la serbophilie est pourtant avérée. Pour sa part, Cotte ne cesse d'envoyer des rapports à l'ONU qui dénoncent l'incompétence et la vénalité des bataillons mis à sa disposition. Il conclura même que la mission de la Fort-Prenu est un véritable bordel. Ajoutons que dès le mois de février 1994, le remuant général Cotte sera rappelé en France. En 1995, la situation devient en effet de plus en plus menaçante en Bosnie-Herzégovine, et particulièrement dans ces enclaves rebaptisées zones de sécurité. D'autant m'avez-vous dit que le général Mladic est décidé à les prendre. Oui, le climat est donc très tendu, et le commandant du contingent landais de Srebrenica, le colonel Karemans, envoie à plusieurs reprises des rapports très alarmistes au commandement en chef de la Fort-Prenu. Mais, et c'est très étrange, ces rapports ne seraient jamais parvenus à l'état-major des casques bleus. C'est vraisemblable, ça? Franchement, non. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bon, je crois que dès cette époque, c'est-à-dire dans les premiers mois de 1995, on a déjà décidé de changer de politique vis-à-vis des zones de sécurité. Enfin, n'allons pas trop vite. Oui, je suis habitué, mais soyons quand même plus précis, là. Ce « on », c'est qui? Bah, je vous répondrai, je vous promets, mais je vous propose d'abord d'examiner ce qui se passe sur le terrain. Et après, nous essaierons d'établir les responsabilités des uns et des autres. Un détail important d'abord. À partir du mois de mars, c'est un général français, le général Janvier, qui va commander la Fort-Prenu. Avec des pouvoirs renforcés d'ailleurs. Et pourquoi insister là sur ce point? Parce qu'on a souvent accusé les militaires français d'être plutôt favorables aux Serbes. C'est vrai? Bon, il est certain qu'à plusieurs reprises, les Serbes ont été nos alliés. Lors des deux derniers conflits mondiaux, par exemple. Et ça laisse des traces. Vous insinuez donc que la Fort-Prenu, sous commandement français, aurait pu manifester sympathie pour les Serbes? Non, je n'ai pas dit ça, mais ça alimentera de nombreux soupçons. D'autant que l'attitude de nos différents ministres de la Défense ne fera rien pour faire justice de ces soupçons. Expliquez là, c'est-à-dire. Et ils interdiront par exemple au général Janvier d'aller témoigner devant le tribunal pénal international. Alors, comme si la France avait quelque chose à cacher. Exactement. De la même façon, Janvier lui-même refusera d'être interrogé par une commission d'historiens hollandais. Je comprends mieux là. Alors bon, les faits, si vous le voulez bien. Volontiers. Commençons donc par une rencontre secrète qui se déroule à l'ONU au mois de mai, en marge de la réunion du Conseil de sécurité. Le général Janvier a fait le déplacement. Il est très inquiet. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à une offensive serbe? Évidemment. Et ce qui le préoccupe en particulier, c'est la sécurité des casques bleus présents en Bosnie-Herzégovine. Il affirme, non sans raison d'ailleurs, que la mission de paix qu'il commande ne peut réussir que si les belligérants y consentent. Dans le cas contraire, eh bien, il faut les laisser se débrouiller ensemble. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Enfin, si la Fort-Prenu est présente dans l'ex-Yougoslavie, c'est quand même bien pour s'interposer entre les belligérants, y compris par la force, non? Eh non. Le mandat de l'ONU n'a pas prévu explicitement l'emploi de la force. Sauf, bien sûr, si les casques bleus sont directement attaqués par l'une ou l'autre des parties. En outre, les casques bleus n'ont certainement pas les moyens de s'opposer à une attaque d'envergure des Serbes contre les musulmans bosniaques. Sauf à demander l'intervention de l'aviation. Mais nous reviendrons sur ce point, car il est essentiel. Et vous m'avez vous-même dit qu'à deux reprises, cette intervention aérienne avait été couronnée de succès. C'est exact. Mais la situation va d'un seul coup se compliquer. J'ajoute, pour la défense du général Janvier, que le commandant en chef de la Fort-Prenu a très peur que ses casques bleus deviennent des boucs émissaires. Et les faits vont lui donner très vite raison. D'accord, on va y venir. Mais pour résumer au fond, ce que voudrait Janvier, c'est que les casques bleus se retirent purement et simplement. Ou abandonnent les secteurs les plus dangereux. Et donc les zones de sécurité. En effet. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU en décide autrement. Les contingents de l'ONU doivent demeurer sur place. Mais, décision regrettable, on n'envisage pas de renforcer les moyens dont les casques bleus disposent. Ouais, une décision mi-chèvre, mi-chou. Oui. Pourtant, au même moment, il s'est passé des faits très graves en Bosnie. Les hommes de Mladic récupèrent leurs armes lourdes qui étaient placées sous le contrôle des casques bleus. Une sorte de hold-up. C'est ça. Et si le général Bosnoserbe a récupéré ses armes confisquées, c'est qu'il a manifestement l'intention de s'en servir. C'est pourquoi je pense que l'ONU aurait dû réagir avec plus de fermeté. Toutefois, faut tout de même dire que l'OTAN ripostera en bombardant un dépôt de munitions des Bosnoserbes près de leur capitale, Pâle. Ça nourrira d'ailleurs une grave controverse. Pourquoi ? Parce que les Français prétendront ne pas avoir été informés de ce raid aérien. Or, non seulement les hommes de Mladiche se vengent en bombardant à leur tour les zones de sécurité et en faisant des dizaines de morts, mais ils vont aussi s'emparer de près de plusieurs centaines de casques bleus. Et parmi eux, il y a beaucoup de Français. Ah oui, alors à Paris, on pense que si on avait été averti avant, on aurait pris des précautions. Ah oui, je le pense. Mmh. Des casques bleus otages, ce n'est pas rien. Et les images de ces militaires prisonniers attachés à des poteaux, brandissant des drapeaux blancs fixés sur les manches à balai, sans même se défendre, images complaisamment diffusées par la télévision serbe, sont une véritable humiliation pour la Fort-Prenu et surtout pour la France. Oui, ça se comprend. Hein. Et à Paris, où Chirac va succéder à Mitterrand, on est vert de rage. Il paraît même qu'à l'occasion, Chirac a piqué une véritable colère contre les principaux chefs militaires. Mmh. Et il ordonne aux soldats français, ONU ou pas ONU, de riposter par la force à toute provocation des Serbes. Ça se traduira assez vite sur le terrain. Et les militaires français reprendront, en faisant usage de leurs armes, un pont de Sarajevo, où les Serbes avaient chassé les soldats de l'ONU. Mmh. Mais la capture des casques bleus là, justifie bien ce que vous avez dit quand vous avez affirmé que les faits allaient donner raison au général Janvier. Bien entendu. Mmh. Et c'est capital. Parce que le commandement français de la Fort-Prenu pense que si les avions de l'OTAN n'avaient pas attaqué, il n'y aurait pas eu de prise d'otage. Ça aura bientôt de terribles conséquences pour la population de Srebrenica. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. Hein. Oui, bon. Qu'entendent faire les Serbes là, de ces casques bleus otages? Ils veulent s'en servir comme bouclier humain. Pour éviter d'autres attaques aériennes? C'est évident. À Paris, vous pensez bien qu'on s'agite. Et c'est à l'initiative de la France que les pays membres de l'OTAN décident la création d'une force de réaction rapide. Avec quel objectif, là, rappelez-moi? Ça, c'est pas très clair. Hein, même si plus tard, cette force jouera un rôle décisif. Mais en juin 95, n'en sommes qu'à la décision de la créer. Et il semble bien qu'elle soit d'abord destinée à permettre aux casques bleus d'assurer l'exécution de leur mission de paix. En fait, on veut protéger les protecteurs, hein, c'est bien ça? Oui, à peu près. On veut surtout éviter de nouvelles prises d'otages de casques bleus. Et la priorité pour le commandant de la Fort-Prenu, c'est d'abord de récupérer ces hommes qui sont aux mains des Serbes. Ça me paraît normal, non? Bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Et on est là devant un des aspects les plus mystérieux et les plus secrets de toute cette dramatique affaire. Le général Janvier a-t-il, oui ou non, négocié avec Mladiche pour obtenir la libération des otages? Et si oui, qu'a-t-il offert en échange au général serbe? Autre question, s'il a vraiment négocié, l'a-t-il fait avec l'accord de Paris? C'est-à-dire sans en informer l'ONU qui lui avait pourtant confié son mandat de commandant de la Fort-Prenu. J'attends votre réponse. Une seule chose est certaine, le général Janvier a bien rencontré Mladic et un autre général serbe, Perisic, qui représente Slobodan Milosevic. On sait même que la rencontre a eu lieu début juin dans un hôtel situé à la frontière serbe. Mais d'accord, mais que s'est-il dit alors? Mladic a fait trois propositions. Premièrement, il s'est engagé à ne plus menacer les casques bleus. Deuxièmement, il a exigé que la Fort-Prenu renonce aux frappes aériennes sur le territoire de la République serbe de Serbie. Et troisièmement, il a annoncé en contrepartie son intention de libérer les casques bleus prisonniers. Mmh. Les réactions de Janvier autant que... Il affirme qu'il a pris note de ses propositions, mais qu'il n'a rien signé. Toutefois, on ne peut s'empêcher d'observer que les casques bleus vont être libérés dans la quinzaine qui suivra cette entrevue. D'autre part, le commandant de la Fort-Prenu met plus de 10 jours avant d'envoyer un télégramme codé à l'ONU, télégramme qui rapporte les propositions de Mladic. Alors même que le général serbe aurait commencé à appliquer le plan qu'il avait proposé. Oui, c'est sans doute le plus grave. Quand les soldats de Mladic attaqueront Srebrenica, un mois plus tard, le général Janvier refusera toute attaque aérienne sur les troupes serbes. Or, seule une intervention de ce type aurait pu sauver les réfugiés de Srebrenica du massacre. Alors, il aurait donc agi, lui aussi, hein, comme s'il respectait les termes de l'accord proposé par Mladic. Avouez que c'est bien troublant, non? Mais je vous propose d'y revenir au cours de notre prochain entretien. Je vous rappelle simplement qu'on n'avait pas vu un massacre d'une telle ampleur en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.